Le chien et le loup. Fable. Un chien s'endormit en dehors de la cour. Un loup affamé survint et voulut le dévorer. Le chien lui dit : Loup, patiente un peu avant de me manger. Je suis maintenant maigre, osseux. Laisse-moi un peu de temps. Mes maîtres vont bientôt célébrer un mariage. J'aurai beaucoup à manger. J'engraisserai et je serai plus appétissant. Le loup eut confiance dans les paroles du chien et s'éloigna. Quand il revint de nouveau, il aperçut le chien étendu sur le toit. « Eh bien, lui demanda le loup, ce mariage a-t-il eu lieu ?»« J'ai une recommandation à te faire, répondit le chien. Quand une autre fois tu me trouveras à ta portée, n'attends plus le mariage. »